marche. Ça marche. Je suis perdu avec ce tempo là, en 24. 24, j'ai pas l'habitude, ça fait quoi ça? Moi je suis très. J'enlève mon micro là, putain, ça enregistre mon micro. Ma femme au téléphone. Thank you. J'ai ruiné mon cœur, j'ai dévasté mon âme. Et je suis aujourd'hui le mendiant d'amour. Des souvenirs pareils à la vermine infâme me rongent la face implacable des jours. J'ai ruiné mon cœur, j'ai dévasté mon âme. Et je viens lâchement implorer du destin. Un reflet de tes yeux aux caprices divins. Forme fugitive, pâleur parfumée. Mais y a pas de rime. Cherchez les rimes. Pas de rime, il manque une rime. Attends, je vais en trouver un autre. Qu'est-ce qu'il y a là? J'en ai trouvé un autre.